Notre soirée théâtrale va se terminer par le bel indifférent de Jean Cocteau, avec la grande vedette Édith Piaf. Réalisation de Roger Dastis. Monsieur Jean Cocteau vous parle. J'aime beaucoup la façon désinvolte avec laquelle Stendhal emploie le mot « génie ». Il trouve du génie à une femme qui monte en voiture, à une femme qui sait sourire, à un joueur de cartes qui laisse gagner son adversaire. Bref, il ne laisse pas le mot dans les hauteurs. Je veux dire par là que ces femmes et que ce joueur réussissent en une seconde à réunir toutes les puissances confuses qui composent la grâce et qu'ils les mettent à l'extrême point. Laissez-moi adopter le style de Stendhal pour vous dire que Madame Édith Piaf a du génie. Elle est inimitable. Il n'y a jamais eu d'Édith Piaf, il n'y en aura plus jamais. Comme Yvette Guilbert ou Yvonne Georges, comme Rachel ou Réjeanne, elle est une étoile qui se dévore dans la solitude nocturne du ciel de France. C'est elle que contemplent les couples enlacés qui savent encore aimer, souffrir et mourir. Regardez cette étonnante petite personne dont les mains sont celles du lézard des ruines. Regardez son front de Bonaparte, ses yeux d'aveugle qui vient de retrouver la vue. Comment chantera-t-elle? Comment s'exprimera-t-elle? Comment sortira-t-elle de sa poitrine étroite les grandes plaintes de la nuit? Et voilà qu'elle chante, ou plutôt qu'à la mode du rossignol d'avril, elle essaye son chant d'amour. Avez-vous entendu le travail du rossignol? Il peine, il hésite, il racle, il s'étrangle, il s'élance et il retombe. Et soudain, il trouve. Il vocalise, il bouleverse. Très vite, Édith Piaf, qui se tâte et qui tâte son public, a trouvé son chant. Et voilà qu'une voix qui sort des entrailles, une voix qui l'habite des pieds à la tête, déroule une haute vague de velours noir. Cette vague chaude nous submerge, nous traverse, pénètre en nous. Le tour est joué. Édith Piaf, comme le rossignol invisible, installé sur sa branche, va devenir elle-même invisible. Il ne restera plus d'elle que son regard, ses mains pâles, ce front de cire qui accroche la lumière et cette voix qui gonfle, qui monte, qui peu à peu se substitue à elle et qui, grandissant comme son ombre sur un mur, remplacera glorieusement cette petite fille timide. De 7 minutes, le génie de Madame Édith Piaf devient visible et chacun le constate. Elle se dépasse, elle dépasse ses chansons, elle dépasse la musique et les paroles, elle nous dépasse. L'âme de la rue s'adresse aux immeubles silencieux qui la bordent. L'âme de la rue pénètre dans toutes les chambres de la ville. Ce n'est plus Madame Piaf qui chante, c'est la pluie qui tombe. C'est le vent qui se plaint, c'est le clair de lune qui met sa nappe. La bouche d'ombre, le terme a l'air d'avoir été inventé pour elle. Je cède la place à cette belle bouche oraculeuse, à cette terrible petite somnambule qui chante ses rêves en l'air au bord des toits. Et elle ne va pas chanter pour vous, elle va parler, elle va jouer, elle va être une femme.